je suis seule ici. Mon cœur a grandi, mais il s'est brisé. Ce matin, ma vie était un vrai conte de fées. Et là, je suis coincée. Ma mère est choquée, mon père est ruiné. Je veux les bras de Link et m'en aller. Oh Link, viens vite me sauver, car moi je t'aime, cette prison est moche. Link, entends les cloches. Tiens-toi prêt, Baltimore. C'est le grand jour qui m'attend dehors. Une fois sorti, Tracy sera là. Changera, je te promets, Baltimore, que jamais je ne baisserai les bras. Le monde ne verra que ça, que Link m'aime déjà.